Mes gars tirent pour moi, mon avocat parle pour moi. Robe mon banquier compte pour moi. Au bled le daron compte sur moi. Artex Saha, Artex Saha, Artex Saha. Mes gars tirent pour moi, mon avocat parle pour moi. Robe mon banquier compte pour moi. Au bled le daron compte sur moi. Artex Saha, Artex Saha. Lego, je vais leur apprendre à péra, péra. Dans leur mère qui vivra, péra. M'en bats les couilles d'Elvira, péra. J'ai sur le coup ton Panamera. J'passe un coup de fil à Bruno, Bruno. J't'interdis de toutes les radios. Laurent Rossi, le tavernier. C'est pas de mal à faire qu'on te verra signer. J'ai pas fait d'études, c'était trop long. J'vous les cache tout de suite, c'est la grosse Tremont. Première classe, ouais, le plateau est trop bon. Quand les balles pleuvent, non, y'a personne au rebond. J'lâche des larmes sur la tombe de la daronne. Intérieur carbone, moi ton petit charbon. Ra, ra, en mode carbone. Ma musique est comme ma chienne, elle est trop bonne. Trop bonne, trop bonne, trop bonne. J'ai plus le temps de faire du rap gros. Album, mixtape, tralala promo. Funny babe rap depuis le survet trop go. Un dernier pour la route, j't'accompagne au 6 gros. Mes gars tirent pour moi, mon avocat parle pour moi. Robe mon banquier compte pour moi. Au bled le daron compte sur moi. Artex Saha, Artex Saha, Artex Saha. Mes gars tirent pour moi, mon avocat parle pour moi. Robe mon banquier compte pour moi. Au bled le daron compte sur moi. Artex Saha, Artex Saha. J'ai plus le temps sur ma big face. J'vois leur sale face, j'pars de pas grand chose comme dans Scarface. Là où tu traînes, prends un bout de terrain, tu te fais rafaler comme en Ukraine. Quoi de neuf, j'ai en nouvelle, on a pendu Saddam Hussein. J'enterre mon blé dans le jardin, car on récolte ce que l'on sème. J'ai marché dans la mer, oups, j'leur ai marché dessus. J'ai craché dans la soupe, hey, j'leur ai pissé dessus. Et j'suis toujours debout comme une bécane. Tu veux clasher, vas-y t'écale, t'écale. Trop de la mer, petite interview, V, faudrait ressusciter. Radical, Red Bull, vodka, Hilton, vodka, Warren, Darbeida, CDC, Fit, Varane, Pogba. En cellule j'ai trop rêvé, la chatte à Beyoncé. 7-8 longueurs d'avance, j'ai pas le temps de pioncer. Tous mes robes comptent sur moi, tous mes renois comptent sur moi. En plein été on bute de sang froid, tous tes renois crachent sur toi. Si c'est de l'or j'prends sur moi, CDC censure pas. Nouveau crime signé Fouinla. Mes gars tirent pour moi, mon avocat parle pour moi. Robe mon banquier compte pour moi. Au bled le daron compte sur moi. Artex Saha, Artex Saha, Artex Saha. Mes gars tirent pour moi, mon avocat parle pour moi. Robe mon banquier compte pour moi. Au bled le daron compte sur moi. Artex Saha, Artex Saha, Artex Saha.